L'homme qui suscitait un espoir. Voilà pour nos deux heures de dialogue. À lundi. Vous écoutez Vivacité, il est 11h. Les infos avec David Riffon. Bonjour David. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. On vient de l'apprendre, les travailleurs de la FNRstal en province de Liège sont en grève à la suite d'une assemblée générale. Ce matin, ils ont décidé de débrayer depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs années. Ils demandent à la direction une nouvelle organisation de travail pour que l'usine soit exploitée au maximum de ses capacités. Une partie de la production est aujourd'hui externalisée aux États-Unis et pour eux, sans justification. Lundi, ils devraient reprendre le travail mais prévoient d'empêcher la direction d'entrer sur le site. Les députés wallons doivent voter et il est très probable qu'ils votent non au CETA, le traité de libre-échange entre l'Europe et le Canada. La majorité PS-CDH réunie en plénière ce matin à Namur devrait aller à contre-courant de la plupart des pays européens qui ont déjà marqué leur accord. En marge de cette séance au Parlement, des tracteurs étaient visibles dans le centre de Namur. Des agriculteurs ont manifesté contre le traité. Au niveau fédéral, peut-être un déblocage en vue, à voir. En tout cas, Premier ministre et vice-premier doivent se rencontrer à nouveau à partir de maintenant. C'était jusqu'ici et depuis plusieurs heures maintenant, quelques jours même, toujours l'impasse. Pas de budget, pas d'annonce sur les réformes. Le fossé reste, semble-t-il, profond entre partenaires. Charles Michel menait toujours des entretiens en face-à-face avec ses vice-premiers depuis 48 heures. Du coup, pas de conseil des ministres aujourd'hui. La présentation du budget aux instances européennes initialement prévue demain devrait être reporté à lundi. Près de 6 mois après sa mort, cet hommage public rendu hier soir à Prince, 20 000 fans se sont rassemblés dans sa propriété dans le Minnesota. L'hommage a débuté avec une surprise, un petit mot de Barack Obama. « Merci Prince pour toutes les grandes choses que tu as accomplies, tu resteras dans nos cœurs. » Pour toujours, a dit le président des États-Unis, un fan inconditionnel du chanteur dans un message vidéo. Plusieurs chanteurs se sont ensuite succédés dans une ambiance qui se voulait festive et positive. Du tennis également en fin de matinée. David Goffin doit monter sur le court d'ici une heure à Shanghai. Il dispute les quarts de finale du tournoi face à l'Écossais Andy Murray. Et puis un mot de la météo. Temps couvert aujourd'hui. Bruine ou faible pluie possible. Les maxima entre 10 et 15 degrés. Une zone de pluie va traverser notre pays ce soir et la nuit prochaine. Demain, elle va nous quitter. Nous aurons alors droit à un beau week-end ensoleillé et doux. RTBF Mobile Info, Caroline Gillet, la route est dégagée sur la chaussée de Bruxelles. Oui, et c'est l'unique info, c'est une bonne nouvelle, la chaussée de Bruxelles, donc à hauteur de la Hulpe, un accident s'était produit ce matin. La chaussée est donc rouverte dans les deux sens. You make me smile. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jetair devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Belle matinée à l'écoute de Vivacité. On n'est pas des pigeons, Sébastien Nolveau et toute sa troupe. Merci David, retour de l'info à midi. En octobre, ce sont les conditions d'automne chez Ego. Montage gratuit de votre nouveau placard ou dressing sur mesure. À découvrir sur ego.be. De 11h à 13h sur Vivacité, on n'est pas des pigeons, Sébastien Nolveau. Bonjour les amis. Bonjour. Ça va bien? Oui. Mais oui, ça va bien. Dernière de la semaine. Oui. Carlo, vous êtes déjà là généralement le vendredi? Mais oui, j'ai ouvert la porte. J'ai ouvert la porte, j'ai vidé les cendriers. Vous êtes levé tôt ce matin, vous avez été à la chasse? Oui, exactement. J'étais à la chasse et malgré tout, j'ai retrouvé ma place préférée à côté d'Aurore. La biche. La biche. Ça, voilà. Ça, okay. On parlera facile. De gibier donc avec Carlo tout à l'heure dans le journal de la conso. On pense aux fêtes de fin d'année déjà. Alors, je vais vous dire à quel prix vous allez payer votre sapin, ce que vous allez mettre en dessous et comment vous allez faire pour acheter tout ça. Isabelle va se pencher sur le gaspillage alimentaire. Pourquoi aujourd'hui? Mais parce qu'on est en plein dans les journées wallonnes contre le gaspillage alimentaire et je vais un peu tester vos connaissances en la matière. Oh là, et c'est d'ailleurs la question sur la page Facebook. Mais oui, on vous demande si vous avez des trucs et des astuces pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Est-ce que vous y êtes sensible? Dites-nous tout sur notre page Facebook, on n'est pas des pigeons. Vous pouvez aussi envoyer un mail, l'adresse c'est pigeon@rtbf.be. Laissez un message sur le répondeur 070 222 660 ou alors laissez un SMS au 3063, ça coûte 50 centimes. À ça, vous rajoutez qu'on va goûter de la mousse au chocolat. C'est la laitière qui sort des nouveaux pots de mousse au chocolat plus grands, avec plus de noisettes, avec plus de caramel. Évidemment qu'on va les goûter, évidemment qu'on va lire aussi les étiquettes. Côté musique, il y aura Florent Pagny. Et un jour, une femme dont le regard vous frôle. Elle est belle cette chanson. Un hommage à toutes les futures mamans. Et puis Mark Ronson sera là aussi. Vous écoutez Vivacité, si on n'est pas des pigeons, on est ensemble jusque 13h. Bienvenue tout le monde. C'était avec Aloha. Votre courrier est arrivé. Oh, nos jours, le papier. Nos jours, personne n'écrit plus, tout le monde téléphone. Beaucoup, beaucoup de réactions hier au sujet sur les restos à éviter dont on vous parlait en radio et en télé. C'était... Allez, franchement, c'était quand même assez surprenant. Oui, il y avait des choses un peu bizarres. Hein. On a notamment évoqué hier dans ce sujet le fait de chercher des restos sur les sites, sur Internet, genre TripAdvisor. Et à ce sujet, bien, Nathalie nous écrit, il y a aussi des faux positifs, donc dans les commentaires, des restos qui se mettent eux-mêmes des commentaires avec de très bonnes cotations, mais qui au final ne valent vraiment rien. J'en ai fait la malheureuse expérience dans un resto à Neufchâteau. Nourriture surgelée, cadre indigne d'une cantine scolaire et ambiance familiale, entre guillemets, assurée par les enfants mineurs des restaurateurs qui faisaient le service. Bref, à éviter à tout prix. Alexandra, elle, nous suggère... Mais oui, en fait, c'est ça. En fait, on ne peut pas. Mais on a envie. Hein. Oui. Oui. Alors Alexandra, elle nous suggère d'aller plutôt voir les avis sur Yelp, qui est plus fiable que TripAdvisor. Ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, Carlo, il fait Sur Yelp, il n'y a pas assez d'avis. Faut y aller de plus en plus, c'est comme ça. C'est pas bête ce qu'elle dit en même temps. Ouais, alors, pour les... Mais non, il n'y a pas de souci. Aurélie, elle confirme le pire. C'est Liliane d'abord qui nous dit que la rue des Bouchers est connue pour être des pièges à touristes. Aurélie confirme. Fuyez cette rue. On nous a servi du pain avec des pots de beurre. L'un d'entre eux avait été rongé sans doute par une souris. Le fromage qu'on nous avait servi à table a été repris et donné à la table d'à côté. Ah et oui. Puis, vous êtes surtout nombreux à avoir pointé les commentaires racistes d'un des patrons filmés dans un resto italien comme Isabelle qui nous dit que c'est inimaginable. Quand je pense qu'on a accueilli ces gens chez nous. je suis dédouané, je suis italien, donc je peux. Complètement. On vous parlait hier aussi beaucoup d'odeur corporelle. Hein. Oui, avec notamment des trucs donnés par James Dino et Cody comme pour utiliser des déos, j'y arriverai. Geneviève, elle, nous a laissé sur la page Facebook sa recette de déo à base de bicarbonate de soude et d'huile de coco. C'est impeccable, nous dit-elle. Ça se mange. Ah, ça pourrait. Attends, il y a Hubert qui nous parlait d'odeur de pied aussi. Et là aussi, il y a des recettes. Attends. Et il faut assurer le service après-vente. Hein. Oui, parle d'un truc, le lendemain, il y a des réactions, on les lit. Ça va, ça a du succès. Il y a beaucoup de choses. Hein. Gilberte qui nous écrit, lorsqu'on utilise l'acide borique en bain de pied, il convient aussi de traiter les chaussures, les nettoyer avec un linge humide à l'intérieur, bien les sécher, puis y mettre une cuillère à soupe d'acide borique en remuant la chaussure pour éparpiller, à recommencer tous les soirs, ainsi que les bains de pied, pendant 7 jours. Alors, il y a les trucs de Mick aussi. Il utilise du savon isobétadine, du dactarin sur les pieds et dans les chaussures. Ah oui, dis donc, lui, c'est grave. Ça a l'air d'être l'artillerie lourde. Il utilise un embouchoir en bois ou du papier journal. Il y a l'amputation aussi, maintenant. Hein. Mais ça quelqu'un lui a répondu ça. Exactement. Et puis, Maryse, un bon truc pour les personnes qui ont un jardin, c'est de marcher pieds nus dans la rosée du matin. C'est testé et approuvé par son mari. Et quoi, les animaux, ils n'ont pas le droit de se plaindre. La fourmi, tu lui... Attends, t'as les pieds qui puent, tu marches sur une... Elle n'a pas le droit de se plaindre. C'est pas juste pour elle, hein, la fourmi. Non, c'est vrai, elle n'a rien. Mais Maryse n'est pas la seule hein, à dire que ça fonctionne, la rosée dans le jardin. La rosée entre les orteils. Oui, pourquoi pas. Si vous avez d'autres choses à nous dire, c'est sur Facebook que ça se passe. On marque une pause. Le cœur gredanine, c'est Laurent Voulzy côté musique. Et puis après, nous partons à la chasse. On va ramener du gibier. Profitez-vous aussi du meilleur du gaz. Devenez client. Surfez sur primagaz.be pour un avantage de 200 euros et l'installation gratuite de votre citerne. Primagaz, le meilleur du gaz, là où vous le voulez. Bonjour monsieur. Bonjour. Je peux savoir votre nom ? Eric. Ah, bon, Eric, qu'est-ce que t'en penses ? Disons, deux enfants, un chien, une maison de campagne, tu cuisines en semaine et moi le week-end, et je fais le jardin, et toi tu sors les poubelles. T'es d'accord ? Parce que la voiture, on l'a déjà. Parfois, ça peut aller très vite. Choisissez une Mercedes-Benz de stock sur mercedesoutlet.be et vous serez au volant en un rien de temps. Maintenant, avec 4 ans de garantie, infos et conditions chez votre concessionnaire agréé Mercedes-Benz. Vous avez entendu parler de Monde Positif ? Ce n'est pas un mouvement citoyen, mais une initiative citoyenne de Troc.com à l'occasion de la semaine de la seconde main. Mondepositif.be. Shopping ! Dès 17h, à moi la liberté et le plaisir. Les Happy Fridays du Walibi Shopping m'offrent quelques heures zen et branchées. En plus, le parking est gratuit de 17 à 20h. Happy Fridays, les inédits du vendredi. Walibi Shopping. Les DS Brussels Fashion Days, le rendez-vous mode de l'année. Du 14 au 16 octobre, la mode belge vous invite au Square Brussels Meeting Centre pour 4 grands défilés, un pop-up de 30 créateurs, la présence des 10 écoles belges, des beauty bars et une after-party par les soirées Love. Prévente ticketmaster.be. Avec DS Automobile, la Loterie Nationale et Viva Bruxelles. L'univers du sommeil vous présente ses méga deals. 50% de réduction en octobre pour votre partenaire sur un lit double chez Hopping, Latoflex ou Wetsleep. Univers du sommeil, votre conseiller du sommeil à Bruxelles, Linkebeek et Ternat. Conditions sur universdusommeil.be. Psst, l'univers du sommeil vous offre également la TVA sur la plupart de ses produits. Les pépinières Saint-Jean ? Mais oui, à Wons, la plus grande pépinière en région wallonne. Ah ! les spécialistes des gros sujets, des plantes exceptionnelles. Voilà. D'ailleurs, pour l'instant, c'est le meilleur moment pour visiter la pépinière. Les couleurs d'automne sont tout simplement magnifiques. Il paraît qu'ils réalisent le jardin de A à Z et des plantations par leurs soins avec garantie de reprise. Super, on y court. C'est évident. Les pépinières Saint-Jean. Ouvert 7 jours sur 7. Info sur pépinière-saint-jean.be. C'était Laurent Voulzy en 1979. On n'est pas des pigeons. Mais dites donc, mais il n'y a pas écrit Bécasse ici. On va partir à la chasse, Carlo. Oui. Et c'est un domaine que vous connaissez bien. Non. Parce que les bécasses, vous en avez levé quelques-unes. Des biches, vous en avez chopé une ou deux aussi dans votre carrière. Oui, une longue carrière. Pour vous les avez cuisinées et vous les avez mangées. C'est la saison du gibier, Carlo. Mais oui, et c'est la saison de la saison du gibier dans les assiettes, c'est plus ou moins la même chose que la saison de la chasse, hein, c'est plus ou moins parallèle forcément. Et c'est aussi un moment fort de tradition culinaire, hein, souvent dans je me souviens mon boucher dans le temps qui disait chef, c'est normal en septembre les gens attendent le gibier dans les restaurants. C'est un peu un truc qui revient comme les champignons ou les asperges. Alors, la chasse, c'est quoi ? Une définition, allez-y, peut-être une définition européenne. Oui, surtout. On entend par gibier sauvage les ongulés sauvages et les lagomorphes, ainsi que les autres mammifères terrestres qui sont chassés en vue de la consommation humaine et sont considérés comme du gibier, ça c'est important, selon la législation applicable dans l'État membre concerné. C'est-à-dire que chaque État membre européen va mettre sa définition de gibier sauvage. Donc le gibier, c'est simple finalement. Il y a des animaux sauvages dans la forêt. À un certain moment, il y a des gentils chasseurs amoureux de la nature qui ont le droit de tirer sur les animaux sauvages. Ils ramènent ça au contrôle vétérinaire. Et puis, il y a un très gentil bouger qui va s'occuper du reste. Ils vont envoyer ça chez ses clients et ça finit dans ton assiette au restaurant. Voilà. Ça, c'est la définition aussi de la chasse. C'est un monde idyllique où l'homme finalement reprend sa place de chasseur-cueilleur. Sauf qu'au lieu de mettre une peau de mammouth, il s'habille d'une veste tyrolienne et il prend son break de chasse Range Rover à triple épaisseur de cuir. Voilà. Et en général, il tient des discours qui peuvent ressembler à ceux des restaurateurs. Bon non, allez, non, je m'égare. Non. Voilà, alors, non. Effectivement, c'est un peu moins idyllique que ça, sans pour autant pouvoir dire que les bêtes seraient des bêtes d'élevage. Parce que c'est ça, la grosse crainte des consommateurs. C'est toujours se dire, mais est-ce que cette bête est vraiment sauvage ? Est-ce qu'elle a vraiment été élevée dans les conditions de la nature ? Moi qui ai grandi dans les forêts ardennaises, je peux vous dire que tu te balades dans les bois à certains moments de l'année, il y a quand même des choses qui n'ont pas poussé naturellement, qui se trouvent là pour que les animaux les bouffent. Hein. Exactement, c'est ce qu'on appelle le nourrissage de deux types. C'est le nourrissage dissuasif, c'est pour que les sangliers n'aillent pas ravager les champs et ce genre de choses. Et ça, on comprend, ouais. Oui, exactement. Et donc, c'est pour ça que c'est surtout pour ça que ça continue d'être autorisé. Et puis, il y a le nourrissage supplétif, parce qu'il semblerait que les cerfs, les biches et tutti quanti n'ont pas forcément assez à manger dans la forêt. Ça a fait quoi ? C'est que le gros gibier dans nos forêts s'est largement multiplié. S'il y a un truc qui ne manque pas, hein, il y a peut-être plus de poissons dans les rivières, mais en tout cas, des cerfs et des biches, il y en a autant qu'on veut. Alors, autant qu'on veut, ce n'est pas tout à fait exagéré. Cela dit, voilà, ça ne change pas complètement l'animal, cette histoire de nourrissage. Donc ça reste quand même du vrai gibier d'élevage. Ça reste quand même proche de la tradition, proche de ce que ça devrait être. Alors, maintenant, ce qu'on trouve dans les magasins, ce qu'on trouve dans les restaurants, est-ce que ces animaux viennent de nos forêts finalement ? Alors, oui et non. C'est-à-dire que en fait, le gibier a connu un certain regain d'intérêt dans les grandes surfaces, dans les linéaires, et donc forcément, on n'arrive pas, avec nos pauvres petites Ardennes, on n'arrive pas à tout remplir. Hein, vous avez c'est quoi les gros producteurs en Europe ? La Pologne et d'autres pays d'Europe centrale. Et donc, ça veut dire que c'est du gibier au sens où on l'entend dans ces pays-là. Pas pour autant que c'est du gibier d'élevage, ils ont des grandes forêts, ces gens. Mais vous avez parfois dans la pub des distributeurs, on peut lire « Nous parlons chaque jour avec les chasseurs ». Ça m'étonnerait que l'acheteur parle polonais. Hein, et de toute façon, ça me fait ce genre de... Moi, ce qui m'énerve, c'est quand on nous vend du romantisme. Ouais, bien qu'on vende de la biche qui a peut-être pas couru tous les jours, qui a peut-être été un peu nourri. Mais qu'on vende du romantisme, c'est un peu comme si on murmurait à l'oreille des chevaux de boucherie. Alors, effectivement, il y a quand même un logo. Le logo Condros Gibier, qui lui, on en avait parlé même sur ses antennes il y a deux ou trois ans, c'est un gibier où on a la garantie qu'il a été vraiment chassé dans nos Ardennes, et qu'il est donc un gibier tout à fait sauvage, avec les limitations qu'on a dit tout à l'heure. Mais sinon, si vous regardez bien les étiquettes dans les linéaires de supermarché, en gros, il y aura marqué la plupart du temps gibier d'origine européenne, c'est pas spécifié. Le logo BE dans le rond, là, ça nous dit juste que ça a été transformé en Belgique, puisqu'il n'y a que pour les bœufs qu'on est obligé de mettre que c'est né à tel endroit, que ça a été élevé à tel endroit et abattu à tel endroit. Et sinon, bon, si vous voulez, on peut passer, si on a le temps, en revue un petit peu la grande distribution. Ouais, rapide, ouais. Colruyt nous parle uniquement origine Belgique. Deleuze, ils ont beaucoup dit Belgique les années passées, maintenant ils disent sauvage européen. Rob parle de gibier indigène sauvage, et Lidl, lui, eux, ils m'ont fait un peu rire, ils m'ont fait ma journée hier, parce que sur la même page du gibier, ils mettent aussi les cailles et les pintades, comme ça on englobe toutes les volailles en même temps, qui sont évidemment des produits d'élevage. Ils disent pas que c'est du gibier, mais c'est un peu mélangé sur la même page, et évidemment c'est du produit d'origine européenne, en tout cas, ils parlent de gibier frais, voilà. Dans les restos, on trouve quoi alors ? Alors dans les restos, ça dépend un peu du niveau du resto. N'oublions pas. Ça dépend si t'es en Ardennes et que t'as chopé une bête sur la route. Voilà. Alors attention que les chasseurs ne peuvent pas vendre directement au restaurateur. Ils ne peuvent vendre que aux particuliers. D'accord. Il faut toujours que ça passe par un abattage. Et le chasseur, le site de l'AFSCA, j'ose à dire, on dit toujours du mal de l'AFSCA ou souvent, mais le site est très précis et très informatif sur tout ce qui est. Et il fait confiance aux chasseurs. Le site, c'est assez intéressant. Mais alors dans les restos, ça dépend un peu du niveau du resto. J'ai oublié de parler d'une chose. C'est le gibier d'élevage qui vient des pays de l'hémisphère sud. Et ça, t'en trouves toute l'année, mais tu peux le vendre que pendant la période de la chasse, en fonction du niveau du resto, on trouvera soit de la bête de nos Ardennes avec un super pédigré, soit des restaurateurs. Et il faut toujours poser la question, les restaurateurs sont souvent transparents et disent non, ça, fieu, c'est du Nouvelle-Zélande. Au niveau des prix ? Au niveau des prix, tu achètes du civet, c'est dans les 13-15 euros. Et le civet de nos jours, il est bien propre, hein, c'est comme la blanquette de veau, on risque pas d'y trouver des vilains morceaux. Mais par contre, hier, j'ai acheté, pour préparer l'émission, du filet de biche chez Carrefour et ça m'a coûté, et c'est un prix normal, 50 euros du kilo. Ah, donc, oui. J'en avais quand pour même, 20 balles quand même, pour quand deux quand même. Petits filets de biche. Tout à l'heure, je vous fais un de mes plats préférés du monde, le faisan à la brabançonne. Eh bien, nous allons goûter ça ce soir à la télé à partir de 18h30. Dans quelques instants, c'est le journal de la conso et on vous dira quel est le jouet de l'année. On connaît déjà. Il y en a 13. Oui. Bon, on va peut-être pas les donner tous, mais on donnera le meilleur des 13. Viva Bruxelles. En toute complicité. Sur 99.3 FM. RTBF présente Mix City. Bruxelles. 2017, l'année de la diversité à Bruxelles. Et les Mix City Awards viendront récompenser les meilleures initiatives bruxelloises dans le domaine de la culture, l'événementiel, l'éducation et les sports. Plus d'infos sur mixcity.brussels. Inscription avant le 31 octobre. Avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, la région de Bruxelles-Capitale et la COCOF. Info et bonne humeur. La bande du 8-9 revient lundi, de 8 à 9, pour bien démarrer la journée. Sur Vivacité et sur la Une. Chez O'Green, c'est samedi et dimanche, c'est la fête des fruits. Vous pourrez goûter des fruits, des jus, des confitures artisanales. Nos experts vous donneront des conseils plantation. Pour un arbre fruitier acheté, on vous offre un framboisier. Et il y a plein de chèques cadeaux à gagner. Jardinerie O'Green, National 4 à Louvain-la-Neuve. O-green.eu. En ce moment, chez Colruyt, c'est le festival des extras. Avec énormément de réductions extras sur les grandes marques, en plus des meilleurs prix. Profitez-en jusqu'au 18 octobre. Colruyt, votre garantie des meilleurs prix. Vivacité présente. La citoyenneté, c'est faire pousser des courgettes sur la Lune. Non, pas du tout. C'est faire pousser des carottes. Pour les aider à se faire une idée sur la citoyenneté. Place aux enfants. Samedi 15 octobre, en Wallonie et à Bruxelles. Info, placeauxenfants.be. Une organisation des provinces wallonnes et de la Commission communautaire française. Avec la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le nouveau lave-linge d'AEG, équipé de la technologie Ecomix, mélange d'abord votre détergent et votre adoucissant avec de l'eau pour laver et protéger chaque fibre. Recevez maintenant un bon cadeau de 100 euros chez Ici Paris XL à l'achat d'un lave-linge AEG. And I want you to stay by my side. Whether it shines or rains, I'm counting the days, the hours, until we meet again. This time I'll try to make it right, getting rid of all the shame. Show me who I've got nothing to lose. My hand, I feel confused. I wonder if you feel the same. Crowe sur Vivacité avec Ecstasy. On part sur les routes, Caroline Gillet, ça se passe comment? Ah mais très très bien, c'est même très calme sur les routes. C'est cool, tant mieux. Mais oui, on avait la manifestation à Namur ce matin. Même cela, ça n'a pas posé de problème, donc plus de soucis sur les routes pour le moment. You make me smile. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jetair devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. C'est gai quand même quand tout va bien. Ah, tu fais un point route. Enfin, c'est comme si un journal télévisé s'ouvrait en disant « Aujourd'hui, il n'y a pas eu de mort. Tout va bien. Tout va bien. Tous les avions qui ont décollé ont atterri. Tous les trains qui sont partis à l'heure... » Non. Enfin, non. C'est... En fait, c'est pas possible. Bon, non, il faut beaucoup d'imagination. 11h31 bientôt. Oui. Là maintenant dans 5 secondes, on va attendre 3, 2, 1. 11h31, c'est le journal de la conso dans l'écho. Aurore, on pense déjà aux cadeaux de fin d'année avec des chèques cadeaux électroniques. Oui, c'est une tradition dans certaines sociétés. On offre au personnel des chèques cadeaux pour les fêtes de fin d'année. Eh bien, nouveauté cette année, ils peuvent être chargés sur la carte électronique Sodexo. C'est déjà d'application depuis le début octobre. Sur cette carte, les employés peuvent déjà bénéficier des lunch pass, donc anciennement les chèques repas, mais aussi des éco-pass, donc les chèques qui permettent d'acheter des produits respectueux de l'environnement. L'année dernière, 400 000 travailleurs ont reçu un cadeau pass de Sodexo. Un chèque cadeau qui en plus n'est pas imposable. Et ça c'est bien, ça c'est bien. Si en plus on a le bisou de l'administrateur général, ce sera encore mieux. Avec ces cadeaux pass, vous pourrez par exemple acheter un des jouets de l'année. Ils sont connus et ils sont dans la presse du jour. Oui, c'est la 10e édition de cette remise de prix et pour le coup, il y a beaucoup de gagnants, il y en a 13. Alors on ne va pas tous vous les donner, mais vous savez comme ça que dans les magasins de jouets, vous pourrez voir le logo jouet de l'année. Jouet de l'année qui peut vous aider un petit peu dans vos achats. Alors, tu veux dire dans les achats de Saint-Nicolas? Ah bah oui c'est ça, c'est Saint-Nicolas, donc évidemment. C'est lui qui va se renseigner pour donc savoir quels sont les jouets de l'année. N'est que pour Saint-Nicolas. Mais évidemment. Alors il y en a pour tous les âges. Il y a par exemple dans la catégorie activité créative, le Fuzzies. C'est présenté comme une véritable innovation et c'est vrai que ça a l'air sympa comme J'ai ça. J'ai peur avec le nom, hein. Pourquoi? Non, rien. Bon, d'accord. L'enfant doit placer des matières en peluche dans un moule, oui. Et puis mêle tout dans la machine à laver, et il en ressort un ours personnalisé. Hein? Dites, mais c'est pas l'enfant qui met ça dans la machine à laver. Oui, mais c'est pas pour les tout petits, hein, c'est déjà pour les plus grands, mais donc c'est attends, chouette. Donc, tu mets l'enfant dans la machine à laver, pas et il en sort un ours en peluche. Je ne comprends plus. Non, hein, vous ne mettez pas l'enfant, mais ça doit quand même être assez... Mais vous êtes en train de me casser mon jouet de l'année. Moi, je trouvais qu'il avait l'air sympa, allez, ce jouet de l'année. Un autre, alors. Eh bien, citons aussi un jouet connecté. Tiens, le Roar, ça se joue avec un smartphone ou une tablette. L'un des joueurs joue le rôle du monstre échappé et commande la tablette. Les joueurs restants sont des chimistes qui tentent d'attraper le monstre. Okay, voilà. Et puis dans les classiques, donc jouets de l'année aussi, il y a Playmobil. Ah ben voilà, vous allez voir, il y a un Playmobil et ils sont formidables chez Playmobil parce qu'ils arrivent tout en restant le classique indémodable à surfer quand même sur les grandes tendances. Ils proposent quand même cette année le bateau croisière. Bien sûr, mais évidemment. Évidemment, oui, c'est ça. Et le Costa Concordia, effectivement, tu le mets penché dans ta mais non, c'est pas ça, mais ils se disent, tiens, non, puisque bien, les croisières marchent super bien auprès des parents, les parents auront envie d'offrir ça aux enfants. Mais c'est une super idée. Voilà. Voilà du classique. Des jouets à trouver sous le sapin, peut-être, mais faudra le payer peut-être aussi plus cher, le sapin, qu'on nous dit dans Sud Presse. Oui, surtout si c'est un Nordman, la Rolls des sapins. Il représente 70% des ventes en Belgique. Eh bien, les Nordman sont annoncés 5 à 10 euros plus cher cette année, soit vendu 40 voire 45 euros. L'Épicéa, qui marque son grand retour. Oui, parce qu'au moins il sent bon. Voilà, exactement. Voilà, au moins vrai. Celui-là, il sent le sapin. Eh bien, lui coûtera un petit peu plus cher aussi. Il va passer de 20 à 25 euros. Donc ça, c'est toujours des prix moyens. Alors, en cause, non pas la météo, comme on pourrait s'y attendre, mais bien les coûts de production qui sont plus élevés. En fait, comment ça se passe? Eh bien, le prix du sapin fonctionne en cycle. Donc, quand il y a beaucoup de sapins, les prix baissent. Non, alors ça ne marche pas comme ça. Quand il y a beaucoup de sapins qui sont plantés, les années suivantes, les prix baissent. C'est la loi de l'offre et la demande. Vu qu'il y a beaucoup de sapins, ils les vendent moins cher pour les vendre mieux. Mais du coup, il y a un moment, ils se disent « Oula, les prix sont trop bas, on va peut-être arrêter d'en planter. Oui, d'accord. Ils arrêtent d'en planter et donc dans les années suivantes, comme il y en a moins sur le marché, les prix augmentent. La loi de et là, on est au début d'un nouveau cycle, on va vers l'augmentation. Donc, on a une première augmentation de 5 à 10 euros cette année et ça va sans doute encore augmenter les années suivantes. Et on s'adresse à tous les gens qui habitent en ville. Si tu ne veux pas payer ton Norman 80 boules, tu prends ta bagnole et tu vas un petit peu dans le sud du pays où ils sont peut-être un petit peu moins chers. Ah, d'accord. Mais effectivement, ça ne sent pas trop. Ça ne sent pas trop. Rien. Ça ne sent rien. Non, maintenant, mais il tient ça... bien. Oui, mais si tu veux que ça sente le sapin. Le Norman est au sapin ce que le caprice des dieux est au fromage. Oh, c'est beau ce que tu dis. Mais s'il y a une personne très, très âgée dans ta famille, tu peux prendre en Norman. Ça sentira quand même le sapin. C'est pas très bien. Nous sommes vendredi. Si on faisait un quiz alimentaire dans quelques minutes, oui, Isabelle. Oui, alors vous avez quelques minutes pour revoir vite vos connaissances en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire. Waouh, c'est parti, on est dans les bouquins. La fureur de lire. Du 12 au 16 octobre, rendez-vous dans les bibliothèques, les librairies et d'autres lieux en Wallonie et à Bruxelles pour participer à des centaines d'activités gratuites autour de la lecture. Lire, c'est grandir. Programme complet, fureurdelire.be. Une initiative de la Fédération Wallonie-Bruxelles avec le soutien de la 2 et Vivacité. Vous entendez ? C'est toujours la fête pour les 25 ans d'Intermarché. Encore 3 semaines de produits gratuits et de super promos. Comme la choucroute crue ou cuite au vin à moins 50%, soit seulement 12 cents les 100 grammes. Intermarché, depuis 25 ans, tous unis contre la vie chère. Ouvert dimanche et jours fériés, horaire en magasin. Coucou, je suis une pile bouton et je me trouvais dans une montre. Tic-tac. Moi, j'étais dans un appareil photo. Clic-clac. Et maintenant, nous traînons au fond d'un tiroir. Oui. Rapportez plutôt vos piles usagées dans un point de collecte Bébat, car Bébat leur donne une nouvelle vie. Même une seule pile fait la différence. C'est ce que nous appelons l'effet papillon chez Bébat. Bébat. Recycler ensemble, c'est mieux pour la nature. Stressless invente le confort d'avoir le choix. Jusqu'au 6 novembre, Stressless vous offre moins 20% au choix sur la collection de fauteuils dans tous les coloris de cuir et le choix de nouvelles options de confort. Plus d'informations chez votre revendeur ou sur stressless.be. Quadrus October Days, action carrelage. Oui, 2 mètres carrés plus 1 mètre carré gratuit. Quadrus à Waterloo, Havre et Zaventem, quadrus.be. Voir conditions. Un budget. Un projet. Profitez maintenant des portes ouvertes Véranda Confort. Condition 30e anniversaire. Jusqu'à 5000 euros d'avantage. Véranda Confort. Info verandaconfort.be. Vous aimez cet artiste ? Vous le retrouverez très vite sur Vivacité. Alors, père, on va chez Tante Nicole et un père, on va au ciné. Question prise de décision, t'es pas encore au point, mon amour. Bah écoute, si t'as une meilleure idée pour décider de ce qu'on fait le 16 octobre, je suis preneur. Oui, j'ai une idée. ID Châssis. Le dimanche 16 octobre, venez profiter de nos conditions spéciales journée porte ouverte chez ID Châssis à Jean-Blou. idchassis.be. Que les contes de fées vous laissent imaginer. D'avoir perdu son enfance dans la rue, des illusions déçues, passer inaperçues. D'être tombé plus bas que la poussière, et à la terre entière en vouloir puis se taire. D'avoir laissé jusqu'à sa dignité sans plus rien demander, qu'on vienne vous achever. Et un jour une femme dont le regard vous frôle vous porte sur ses épaules comme elle porte le monde, et jusqu'à bout de force couve de son écorce aux plaies les plus profondes. Puis un jour une femme met sa main dans la vôtre pour vous parler d'un autre, parce qu'elle porte le monde et jusqu'au bout d'elle-même vous prouve qu'elle vous aime par l'amour qu'elle inonde. Sa patience vous remet debout. Trouver en soi un avenir peut-être, et surtout l'envie d'être ce qu'elle attend de vous. Et un jour une femme dont le regard vous prouve vous porte sur ses épaules comme elle porte le monde, et jusqu'à bout de force recouvre de son écorce aux plaies les plus profondes, aux plaies les plus profondes. Et un jour cette femme met sa main dans la vôtre pour vous parler d'un autre, parce qu'elle porte le monde et jusqu'au bout d'elle-même vous prouve qu'elle vous aime par l'amour qu'elle inonde, par l'amour qu'elle inonde. Et un jour cette femme dont le regard vous touche porte jusqu'à sa bouche le front d'un petit monde, et jusqu'au bout de soi lui donne tout ce qu'elle a, chaque pas, chaque seconde, et jusqu'au bout du monde, et jusqu'au bout du monde. Il y a 16 ans déjà, ce morceau de Florent Pagny, et un jour, une femme. Jusqu'à 13h, on n'est pas des pigeons. Depuis hier et jusque demain se déroulent les journées wallonnes contre le gaspillage alimentaire, mais nous, nous sommes des champions de la lutte contre le gaspillage alimentaire, Isabelle. C'est vrai, hein, on en parle régulièrement dans cette émission, on essaie de donner des conseils, des trucs et astuces à nos auditeurs, mais est-ce que nos auditeurs retiennent ces conseils, et surtout est-ce que nous, qui les donnons, nous les retenons aussi? Évidemment, ça ne fait pas un pli. Ça sent le quiz. Eh bien oui, évidemment que ça sent le quiz, avec évidemment la musique de circonstance, histoire de faire monter la pression. Et Sébastien, la première question est pour vous. Non. En Wallonie, combien de kilos de nourriture sont gaspillés par personne? Je suis sympa, je donne deux réponses. 23 kilos, donc par personne et par an. 23 kilos ou 67 kilos? 67 kilos. Maintenant, 23 kilos, ce qui représente quand même 174 euros de pertes financières par an et par ménage. Ah ouais, quand même. Aurore. Mais j'ai peur. Êtes-vous prête? Un peu comme si j'allais passer mon permis de conduire. Alors, au niveau mondial, que représente en milliards d'euros la nourriture gaspillée? 342 milliards ou 555 milliards? Nourriture gaspillée, mais c'est énorme déjà. Moi, je peux te parler des 555. Et bravo, bravo Aurore, parce que c'est un tiers de la production mondiale de nourriture qui est gaspillée. En cause, et bien notamment toutes ces réglementations qui stipulent que l'alimentation doit répondre à certaines normes, ou bien aussi les aliments détériorés lors des trajets, tout ça, ça fait pas mal de gaspillage. La moitié de ce tiers, c'est les consommateurs. Et ce qui est hallucinant, c'est qu'il y a quand même pas mal de monde qui crève de faim sur la planète. En fait, par exemple, en Inde, les transports sont telles que la plupart, je crois que la moitié des légumes, des fruits et légumes produits n'arrivent juste pas dans l'assiette des gens. Voilà. Justement, Carlo. Oui. Comment s'appelle le plan wallon de lutte contre le gaspillage alimentaire? Régal ou anti-gaspi? Moi, je dirais anti-gaspi. Régal, ça n'a pas de sens. Régal, ça veut dire réduction du gaspillage alimentaire. Oui, mais moi, je suis désolé pour le... Je ne sais pas de quel ministre ça dépend, si c'est du ministre Colin ou de quelqu'un d'autre. Et donc, c'est quand même un plan qui comporte 17 actions hein, qui vont être mises en œuvre. Par exemple, anti-gaspi, on aurait été plus clair. Mais bon. Peut-être, mais voilà. Régal, ça suscite quand même... On a le temps de faire encore un petit tour? Oui, bien sûr, mais je suis d'accord avec Carlo, parce que c'est vrai que c'est contre-productif. C'est contre-productif. Mais non, justement, moi, je trouve que ça suscite quand même l'interrogation. On se régale avec les épluchures. Hein, oui, voilà. Souvenez-vous, du pesto de fan de carottes que je vous ai fait un jour. C'est vrai. C'était bon. Oh, une question simple, Sébastien. Oui. Comment a-t-on rebaptisé en Belgique le doggy bag? Le resto-pack ou le brol-bag? Le resto... j'aime bien le brol-bag, mais je crois que c'est... je crois que c'est l'autre, hein, c'est le resto-pack. C'est le resto-pack, c'est un concept qui a été proposé par Testacha. Pour rappel, doggy bag, ça veut dire... sac à toutou, et donc c'est quand on demandait les restes pour le chien qu'on n'avait pas forcément à la maison. Isabelle, je pensais à une chose, je vous interromps, excusez-moi, mais donc à Bruxelles, il y a une initiative semblable, ça s'appelle Good Food. Il n'y a pas que les Wallons. Ouais, très bien. Good Food, c'est plein de choses, mais il y a notamment de plein de choses. Si on pourrait se mettre d'accord dans ce pays une fois pour avoir le même truc partout, d'une ressource. Non, mais les germanophones, on sait, anti-gaspi. Bon, Aurore, comment appelle-t-on en France l'initiative qui propose de vendre des produits moches comme des légumes non conformes, justement. Est-ce que ça s'appelle les moches ou ça s'appelle les gueules cassées? Les gueules cassées. Ah, elle est forte, Aurore. Hein, ouais, je crois que c'est sa deuxième bonne réponse. Oui, les gueules cassées. C'est un mouvement qui est né en 2014. Ils ont d'abord commencé avec des fruits et des légumes et puis ils ont étendu ça à d'autres produits, comme des biscuits, par exemple. Voilà, les biscuits qui ne sont pas tout à fait la bonne forme, eh bien, ils peuvent quand même être vendus. La petite dernière pour Carlo, mais ça, je sais qu'il va y répondre parce qu'il en a déjà parlé tout à l'heure. Qui gaspille le plus, les ménages ou l'industrie alimentaire? Ah ben non, c'est autant, je me demande si c'est pas les ménages qui gaspillent encore plus que l'industrie. Eh bien non, moi d'après ce que j'ai consulté, mais voilà, on dit que l'industrie alimentaire représente 64% du gaspillage, contre 25% pour les ménages. Voilà. Bon ben de toute façon, on gaspille trop, il faut manger les épluchures, les fans et tout ça, mais surtout il faut éviter de... D'acheter dans les bonnes quantités. Jeter les trucs qui sont pas mauvais. Voilà, on a déjà parlé aussi des dates de péremption. Il y a des produits qui peuvent garder bien plus longtemps que ce qui est écrit sur le produit. Mais c'est quand même Aurore qui a gagné, signale. On a encore beaucoup de choses à faire en matière de gaspillage. On rappelle qu'il y a les journées wallonnes contre le gaspillage alimentaire. Et ce nom, Régal. Régal. Pour... pour réduction du gaspillage alimentaire. Mais c'est bien. Toutes les lettres ici. Mais oui, non, mais c'est bien. Le jeu de mots est intéressant. Je retire tout ce que j'ai pu dire. C'est un super bel acronyme. Oh, mais on n'y croit pas une seule seconde. Dites, on va goûter un truc. Dans quelques instants, il y a un nouveau pot de mousse au chocolat. Mais il est un peu disproportionné, ce pot. Hein. C'est grand. Hein. On est nombreux. Ah oui, mais pour ceux qui aiment bien la mousse, ils vont être servis, effectivement. Maintenant, chez Ici par XL, ce sont les offres Perfect Mood, des parfums à prix rond qui mettent tout de suite de bonne humeur. Venez vite les sentir ou commandez sur iciparxl.be. Les nouvelles tendances maquillage sont déjà chez Di, des coloris sublimes, des collections exclusives. En ce moment, jusqu'à moins 50%. Di, faites-vous plaisir. Vous avez entendu parler de Monde Positif ? Ce n'est pas un mouvement citoyen, mais une initiative citoyenne de Troc.com à l'occasion de la semaine de la seconde main. Mondepositif.be. Allô ? Oui, salut Max. Ah, salut Sophie. Bonjour madame, j'arrive tout de suite. Oh bah dis donc, t'as l'air occupée toi. Dis, quand est-ce qu'on mange ensemble tous les deux ? Oui, bonne idée. J'ai un créneau mardi 23h. 23h, c'est pas un petit peu tard ça ? Ah bah tu sais, ma boîte c'est passionnant, mais j'ai plus de temps pour moi. Jeudi 6h du mat. Et tu te reposes quand, Max ? Votre santé est importante, pour vous et pour votre entreprise. Découvrez tous les conseils pour garder l'équilibre sur 7jourssanté.be. Dimanche minuit ? Max ! Avec le soutien de la COCOF. SCID Portes et Fenêtres. Pour tout type de châssis basse énergie, PVC, alu et bois alu, faites confiance à SCID Portes et Fenêtres. Profitez-en. Pour le moment, nous vous offrons le triple vitrage au prix du double. Showroom à Namur, Wavre, Dinan, Nandrin et Uccle. SCID. Plus d'infos sur scid.be. Vous voulez entendre ce titre en entier ? Il passe bientôt sur Vivacité. Vous désirez parler le néerlandais ou l'anglais? Nous avons la solution. ABC Langue vous propose une méthode par auto-hypnose. Une méthode rapide, efficace et qui a déjà fait ses preuves. En quelques semaines, vous parlez le néerlandais ou l'anglais. ABC Langue, 02 736 74 36. ABC Langue, 736 74 36. Se dessine, courageux et fort, où rien ne respire, corps contre corps, ciel contre cime, la forêt se tord, l'horizon soupire, t'aimais sur les bords. Sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire, pourvu que les hommes nous regardent. Julien Doré sur les bords du lac, c'est là qu'il nous emmenait. Vivacité, on n'est pas des pigeons. Et nous, on vous emmène dans le frigo. Il y a toujours... Tu vois, en fin de soirée, tu prends le pot de mousse au chocolat ou de glace, ou là, en l'occurrence, c'est de la mousse au chocolat qu'on va tester. La laitière, vous connaissez la marque, la laitière. Hein, bien sûr, quoi, ils font des riolets, pudding, machin. Et bien là, ils sortent une nouvelle gamme de desserts. Alors, c'est la taille du pot qui nous a interpellés. Des mousses au chocolat, 170 grammes. On en parle avec le directeur marketing de la laitière, François Prigent, bonjour. Bonjour. Alors, il y a deux saveurs, mousse au chocolat macadamia caramel, mousse au chocolat lait noisette et caramel. Maintenant, je m'arrête sur le 170 grammes. C'est énorme comme conditionnement? Alors, oui, tout à fait. En fait, l'idée, c'est d'aller pousser la gourmandise vers l'ultra gourmandise. Donc, on s'est dit, quoi de mieux que de ne pas avoir à se restreindre que d'aller vers un format de 170 grammes. Enfin, c'est alors, quand même pas pour une personne, hein? Alors tout à fait, c'est exactement ce qu'on dit aussi sur le pot, c'est-à-dire que ça peut être pour une personne, mais consommé en plusieurs fois, c'est-à-dire que notre responsabilité, c'est quand même de dire aux gens que le consommer en une fois, c'est peut-être un peu trop. Ouais. Un peu trop. D'ailleurs, vous savez quand même très bien que dès qu'on ouvre un pot comme ça, on s'arrête quand il y en a sur plus. Sur les informations Nutri, on nous dit que la portion, c'est 56,7 grammes. Il faudra une balance de dealer pour savoir quelle est la bonne portion. Hein, oui, en fait, c'est pour ça qu'on dit idéal pour trois portions. C'est-à-dire que soit on le consomme en trois fois, soit on le consomme en partageant une cuillerée entre trois. L'idéal de le consommer, c'est quand même le moment, comme vous l'avez très bien décrit en début de passage, c'est devant la télé le soir, moment de soirée devant la télé, le canapé, et où on peut être avec son ami ou sa compagne et on tape tranquillement dans notre petite gourmandise d'accord. De canapé, oui, mais alors, chacun alors, avec une cuillère. La mousse au chocolat, c'est de la mousse au chocolat. Pourquoi revisiter ça? Ah ben justement parce que on a besoin d'innovation dans ce rayon, puisque nous on est effectivement leader de la mousse au chocolat, donc la mousse au chocolat belge de la laitière est quand même un topper chez beaucoup de distributeurs. Après on a besoin d'amener d'innovation et donc d'amener des nouveaux moments de consommation aussi de nos produits, plutôt que d'être dans le fin de repas ou le snacking, d'être vraiment de s'approprier ce moment d'ultra gourmandise de fin de soirée où on a eu une dure journée, on a besoin de se trouver un peu pour soi et de prendre un petit moment d'accord. de plaisir. Carlo, vous voulez rebondir sur un truc ? Non, ben voilà, c'est le produit industriel classique à consommer, je dirais, avec modération, parce que quand même 170 grammes de chocolat, même à deux, enfin bon, c'est pas hyper calorique, hein, parce qu'il y a quand même de l'air dans la mousse, c'est le principe. Ouais. C'est pour ça que ça ne fait que 170 grammes avec beaucoup de volume. Il faut juste savoir ce qu'on consomme. Quand on dit la gourmandise extrême qu'on se permet, etc. en fin de soirée, c'est quand même le sucre, la bombe de sucre, donc avec modération. Et après, voilà, vous connaissez mon enthousiasme modéré pour ce genre de choses, mais ça c'est très personnel. Donc, bon, c'est nouveau, ça vient de sortir. Honnêtement, c'est pas trop mauvais, mais j'ai envie de manger. Ça se vend à quel prix, ça, monsieur Prigian ? Ça sera vendu, enfin c'est vendu d'ailleurs à 2,49€. D'accord. Le petit... C'est beaucoup plus cher qu'une mousse au chocolat normale, je dirais. C'est un petit peu plus cher, mais c'est pas du tout la même composition. Il y a des noix de macadamia. Et c'est cher, le macadamia. Il y a des noix, c'est vrai. À manger, à deux ou à trois en même temps, je le répète, à manger. On a bientôt fini le mot quand même. Merci, monsieur Prigian, d'être passé sur notre antenne. Et bon, on valide quand même et on va terminer le pot tout en se disant que c'est une bombe de sucre. Oui, il y a pas mal de sucre, oui. Vacation in a foreign land. Uncle Sam does the best he can. You're in the army now. Oh, oh, you're in the army now. Now you remember what the draft man said. Nothing to do all day but stay. Quel souvenir, il y a 30 ans, c'était en 1986, Status Quo avec In The Army Now. Petit détour par les infos de midi qui arrivent et on revient pour la deuxième heure juste derrière. Pour leurs 51 ans, Stellemans vous offre la TVA sur des centaines de nouveautés et bien plus encore. Action du 3 au 15 octobre inclus, ouvert même le dimanche 9 octobre. Voir conditions en magasin. Stellemans. OLED, LED, électro, Hi-Fi, PC, GSM, tablette, boulevard Émile Boxtal 412. Stellemans. C'est Cet instant de détente vous est offert par votre magasin Watio. Jusqu'au 10 novembre, à l'achat de 5 mètres carrés de revêtement de sol, le 6e est gratuit. Watio, chaussée de Namur à Nivelles, voire conditions en magasin. Cuisine Xina. Qu'est-ce qu'écoute un conseiller Xina? Le bruit des feuilles qui tombent? Non, il vous écoute parler de votre rêve et de votre budget. Cet automne, Xina vous propose des cuisines 5 étoiles et leur promo 5 étoiles. Ne les manquez pas. Conditions sur Xina.be, c'est bien pensé. C'est magique. Réalise une fresque géante sur le thème d'Halloween et emmène toute ta classe et tes profs 3 jours en voyage scolaire à Disneyland Paris. Tu découpes, tu colles, tu dessines, tu fais ce que tu veux et tu pars quand tu veux. Info dans la DH chaque jour du 10 au 22 octobre. Vivacité vous invite à l'avant-première du film Inferno. L'humanité est le mal et Inferno le remède. La suite tant attendue de Da Vinci Code est d'anges et démons. Pour y assister le 18 octobre à Bruxelles ou à Liège, 0905 56 474 57 par appel. Regardez, c'est un indice. Vous écoutez Vivacité, il est midi. L'heure de s'informer en compagnie de David Riffon. Bonjour David. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Grosse effervescence depuis 10h ce matin au Parlement wallon à Namur. Les députés débattent et doivent se prononcer sur le CETA, le traité de libre-échange entre l'Europe et le Canada. Et il est très probable qu'ils se mettent d'accord sur une résolution pour dire non. Ce sera une fameuse épine dans le pied du gouvernement fédéral et de l'Europe qui ne pourra pas alors ratifier ce CETA. Une des entités de notre pays serait alors à contre-courant des autres pays européens. En marge de cette séance, plusieurs agriculteurs se sont invités près du Parlement ce matin. Ils sont venus dire eux aussi le refus du CETA. Rudy Hermans a interrogé Jacques Bosseut, responsable d'une exploitation à Aiguezet dans le Namurois. Moi j'estime, comment je dire, que la loi de l'offre et de la demande, ça fait 25 ans qu'on doit la subir, parce qu'au niveau mondial, on ne s'est pas concurrencé. Nous pouvons exporter, certes, mais à quel prix? Et vous pensez qu'un accord commercial avec un pays comme le Canada, il risque d'aggraver cette situation? Tous les accords commerciaux, OMC et autres, cela s'est fait au détriment des agriculteurs. Les agriculteurs ont toujours été victimes du commerce mondial. Et je ne vois pas pourquoi ça pourrait changer. Au niveau du budget fédéral, peut-être un déblocage en vue. Premier ministre et vice-premier sont à nouveau depuis 11h ce matin autour d'une même table pour discuter. Jusqu'ici, c'était toujours l'impasse. Pas de budget, pas d'annonce sur les réformes. Charles Michel menait toujours des entretiens en face à face avec ses vice-premiers. Cela avait pris du temps et du coup, il n'y a pas de conseil des ministres aujourd'hui. Ces discussions pourraient donc reprendre en plénière, en Cairn, depuis ce matin pour enfin faire aboutir ce budget. Les travailleurs de la FNR Stahl en province de Liège sont partis en grève à la suite d'une assemblée générale. Ce matin, ils ont décidé de débrayer. Depuis plusieurs années, ils demandent à la direction une nouvelle organisation du travail pour que l'usine soit exploitée au maximum de ses capacités. Une partie de la production est aujourd'hui externalisée aux États-Unis. Pour eux, sans justification crédible. Lundi, ils devraient reprendre le travail, mais prévoient d'empêcher la direction d'entrer sur le site. À Louvain-la-Neuve, l'annulation des 24 heures vélo continue de faire couler pas mal d'encre. Elle a été décidée par le président du centre sportif étudiant lui-même le 28 septembre dernier. Mais les critiques fusent toujours, principalement sur les réseaux sociaux et principalement, elles visent surtout le bourgmestre d'Ottigny-Louvain-la-Neuve, Jean-Luc Roland, qui s'est senti obligé de se justifier. Il n'y a selon lui aucune volonté délibérée de tuer le folklore étudiantin. Ce qu'on me rapporte des réseaux sociaux, c'est qu'effectivement, ceux qui attisent le plus les oppositions entre étudiants et habitants, ce sont des vieux gars d'ailleurs. Venir dire « de notre temps, c'était beaucoup mieux », ben oui, de leur temps, il n'y avait que la bière, que la bière, que la bière. Et ça, vous ne voulez plus. Le projet de Louvain-la-Neuve, c'est un projet de dialogue, de mixité, où toutes les manifestations évoluent dans le dialogue. Et ce dialogue fait évoluer positivement les manifestations, dans le sens où les organisateurs eux-mêmes y trouvent un bénéfice et sont très satisfaits de l'évolution de leur organisation eux-mêmes. Et c'est ça qui est enthousiasmant. Jean-Luc Roland au micro de Sonia Boulanger. Troisième semaine de raid de l'armée syrienne et de son allié russe sur l'est de la ville d'Alep en Syrie. Plusieurs dizaines de frappes ont de nouveau été menées ces dernières heures sur la ville rebelle que le régime essaye de reprendre depuis 2012. Dans la partie rebelle où vivent 250 000 habitants, plus de 370 personnes, essentiellement des civils, dont 68 enfants, ont été tués depuis le 22 septembre dans les bombardements, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Au niveau politique, des pourparlers entre Russie et États-Unis sur la Syrie doivent débuter demain. En tennis, David Goffin, lui, doit monter sur le court d'un moment à l'autre à Shanghai. Le Belge dispute les quarts de finale du tournoi face à l'Écossais Andy Murray. Et puis en football, début ce soir de la 10e journée de Pro League, Charleroi affronte le club de Bruges, coup d'envoi 20h30, à suivre en direct sur Vivacité. RTBF Mobile Info, Caroline Gillet, un objet encombrant sur la E411. Et oui, dans le sens Namur-Bruxelles à hauteur de Pérouet, voie centrale encombrée, donc en direction de Bruxelles, soyez vigilants. Quelques ralentissements aussi dans le centre de Bruxelles, dans le tunnel Rogier, c'est vers la Basilique. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jeter devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Midi et 5 minutes, la suite dont n'est pas des pigeons avec Sébastien Nolvo. Merci David, bel après-midi. En octobre, ce sont les conditions d'automne chez Ego. Montage gratuit de votre nouvelle cuisine équipée, plus le lave-vaisselle offert. Ego, la cuisine de ma vie. De 11h à 13h sur Vivacité, on n'est pas des pigeons. Dans cette deuxième heure, nous allons vous parler d'un nouveau moyen de locomotion. Ça s'appelle, Esteban, le Simbo. Oui. Et c'est quoi? C'est un mix entre... La Simbo, en fait, c'est un mix entre une trottinette électrique et une mobylette. En fait, c'est une trottinette qui se transforme en mobylette. C'est totalement électrique et pratique. Pratique, vraiment? Oui, c'est vraiment pratique. On verra ça dans un instant. Il y aura le tip-top des infos concon, des infos soso, les cas résolus cette semaine avec Annie. Et on n'oublie pas la question sur la page Facebook. On vous parle de gaspillage alimentaire. Oui, et on vous demande si vous êtes sensible au gaspillage et qu'est-ce que vous faites pour ne pas gaspiller. On a déjà la réponse de Michel, par exemple. J'utilise mes restes de légumes cuits pour faire de la soupe pour le lendemain, donc pas de gaspillage. Avec le pain rassis, je fais de la chapelure que je conserve dans des boîtes métalliques. Si vous aussi, vous avez d'autres trucs pour ne pas gaspiller, dites-le sur notre page Facebook, on n'est pas des pigeons. On rappelle aussi que c'est le jour des coups de cœur qu'on attend pour la fin de l'émission. Il y a aussi le mail pigeonpluriel@rtbf.be, le répondeur 070 222 660. Et si on vous parle de gaspillage, c'est parce que ce sont les journées wallonnes contre le gaspillage alimentaire. C'était bien de le préciser. Côté musique, il y aura Frérot de la Vega. Une planche de salut dans du métro de son rafut. Et il y aura aussi les 21 Pilots. Si vous passez à table, toute l'équipe d'On n'est pas des pigeons vous souhaite un excellent appétit. On est ensemble encore pendant les 53 minutes. Survivor avec I Can Wait. On n'est pas des pigeons. Ah ouais, ça, ça on n'en peut plus les embouteillages. Et les embouteillages qu'on est dedans, qu'est-ce qu'on fait? On mord son volant. On écoute la radio et on essaye surtout de trouver une solution pour éviter les embouts. Et grâce à vous, Esteban, c'est pas la première fois qu'on teste des engins alternatifs. Aujourd'hui, le nouveau joujou s'appelle Simbo. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que la technologie, les moyens alternatifs de transport n'arrêtent pas de nous épater de jour en jour. Et c'est vrai qu'en une année de temps, je vous ai présenté l'overboard, le monorail, le halfbike, le twist, le lopifit. Aujourd'hui, c'est au tour du Simbo. Alors, je t'explique. Sur le overboard, j'ai pas réussi à tenir. Sur le monorail, encore moins. Le halfbike, c'était trop compliqué. Et les deux autres, pareil. Donc, ce soir, j'ai des doutes. C'est quoi le Simbo? Alors le Simbo, en fait, c'est une trottinette électrique qui va se transformer en mobylette. Donc c'est hyper pratique, hyper facile d'utilisation. Il y a en plus de ça une clé à distance qui est avec un antivol. Vous avez aussi un rechargeur USB pour votre GSM. Donc c'est vraiment très pratique comme engin. Ça a l'air sympa. Vous avez forcément essayé? Évidemment, j'ai essayé. On le verra ce soir en télé. Alors, c'est très pratique évidemment à l'utilisation. Moi, j'avais jamais fait de mobylette ou de vélo électrique auparavant et j'ai vraiment réussi à maîtriser l'engin sans aucun souci. Les autres personnes à qui j'ai fait essayer également le twist, tous les âges, tous les gens ont facilement maîtrisé l'engin. Mais c'est grand, excusez-moi, mais c'est non, grand parce c'est que vraiment la taille d'une mobylette. Parce que une trottinette, c'est petit, une mobylette, c'est un peu plus grand qu'une trottinette classique. Voilà, mais c'est vraiment, par contre, évidemment, plus lourd parce que c'est totalement électrique, mais c'est très facile de transport, enfin de bouger avec. Maniabilité. Ben alors, si Esteban a réussi, je pense que tout le monde peut. Tout à fait. Pas sûr. Ça s'adresse à qui en fait? Ben, ça s'adresse à tous, hommes et femmes, qui ont envie de se balader, d'aller envie d'aller au travail, d'éviter les embouteillages, et cela dès l'âge de 14 ans. Mais alors, comme ça, un truc électrique qui risque d'aller un peu vite, il faut peut-être l'immatriculer. Ben en fait non, il faut pas l'immatriculer. Par contre, il faut l'assurer. Vous avez besoin de prendre une RC auto qui vous protégera des dégâts matériels que vous pouvez causer à autrui. Et puis par contre, il faudra prendre une RC conducteur en plus, une assurance conducteur supplémentaire qui est une option pour vous protéger de vos propres dégâts que vous pourriez vous faire avec ce genre d'engin. Ouais, parce que tu peux te péter la tronche facile. Quoi, ouais, en gros, même si ça roule qu'à 25 km/h maximum, vous pouvez quand même vous faire mal si vous gérez mal. Ça c'est sûr. Est-ce qu'on peut rouler partout avec cette mobylette trottinette électrique? Non, en fait, vous devez rouler uniquement sur les pistes cyclables lorsque la piste cyclable est existante. S'il n'y en a pas, vous devez absolument rouler sur la route. Il est interdit d'aller sur les trottoirs avec ce genre d'engin. Si vous le faites, vous risquez une amende de 50 euros. Et l'autoroute non plus, on rappelle. L'autoroute non plus, c'est pas 25 en fait, c'est considéré comme une petite mobylette de trucs sans permis. Donc forcément, il faut les assurances et les pistes cyclables qui vont avec. Est-ce qu'il y a un poids maximum pour monter sur ce truc? Alors, si vous êtes debout, vous pouvez faire 120 kg, si vous êtes assis que 85 kg. Ah, faut qu'on m'explique. En fait, c'est parce que le siège est fixé. Voilà, le siège est fixé, d'accord. Et il se plie, donc il ne supporte pas plus de 85 kg. Oui, mais c'est un siège qui se. Ou c'est ça, donc. C'est un siège rétractable. Quand on est debout, on n'est pas, voilà, pas gêné par ce siège. Vous pouvez rétracter le siège. Et d'accord. Puis alors, bon, alors au niveau autonomie, qu'est-ce que ça donne? C'est vraiment pas mal au niveau de l'autonomie. On est aux alentours de entre 35 et 50 km d'autonomie. Et puis les batteries, elles vont se recharger. C'est des batteries lithium entre 2 et 4 heures pour les recharger complètement. Bon, alors d'accord. Jusque-là, on dit pourquoi pas. Oui. On en vient à la question qui fâche. Oui. Ça coûte combien? Alors le prix, c'est 1290 euros. C'est commercialisé par une société de Charleroi qui s'appelle Silandis. Donc on peut le commander en ligne sur le site de Silandis.com. Okay, je peux encore poser une petite question. Oui, donc, par exemple, je peux prendre ma trottinette dans le tram, quand je sors du tram, voilà. Avec le Simbo, je peux? Non, parce que c'est vraiment... Ça pèse, c'est vraiment 30 trop kilos. Grand. Oui, oui, et puis ça pèse 30 kilos, donc vous n'allez pas monter les rails du tram. C'est cher quand même, 1290 euros. C'est cher, mais d'un autre côté, si vous comparez à un vélo électrique, on est aux alentours de 1000 euros facilement, avec des engins pareils, donc ce n'est pas encore excessif. Alors, pour le prix. Maintenant, ton vélo électrique, quand il est en panne de batterie, tu peux encore continuer à pédaler. C'est vrai. Ici, s'il est en panne de batterie... La trottinette, tu fais aller tes pieds, et puis c'est tout. Oui, mais c'est un peu plus compliqué, c'est moins pratique. Oui, mais c'est très sportif alors. C'est très, c'est très sportif. C'est beaucoup plus sportif que le vélo à ce moment-là. On est convaincu à moitié. Les images et le test de tout ça ce soir à la télé à partir de 18h30. Le plus impatient des réseaux présente. Ah, attends, quoi? En fait, il y a une autre pub d'abord. Ah. En ce moment, chez Colruyt, c'est le festival des extras. Avec énormément de réductions extra sur les grandes marques, en plus des meilleurs prix. Profitez-en jusqu'au 18 octobre. Colruyt, votre garantie des meilleurs prix. Le plus impatient des réseaux présente... Ah, attends encore. Sois pas si impatient, toi, dis. Chérie ? Oui ? Regarde, j'ai encore acheté 12 chaises supplémentaires. Quoi ? Tu trouves que c'est trop ? Non, mais... enfin, 12 chaises, mais où est-ce qu'on va mettre ça, enfin ? Heureusement, chez IKEA, vous avez 365 jours pour échanger vos achats. Ça, c'est bien dit. IKEA, à chaque jour, c'est plaisir. Plus d'infos sur ikea.be. Le plus impatient... Attends, quoi ? Bon, le plus impatient... Allez, vas-y. Ah, ok. Le plus impatient des réseaux présente un Samsung Galaxy J5 pour seulement 9 euros avec un abonnement Smart plus Phone 20. Proximus, infiniment proche. Allez. T'as planqué un éléphant dans le congélateur ou quoi ? Non, non, ce week-end ce sont les régaldés, alors je congèle tout. Même les œufs, le chocolat. Et si tu faisais comme moi ? C'est-à-dire ? Moi, je conserve juste comme il faut. Ce week-end, du 14 au 16 octobre, la Wallonie se mobilise contre le gaspillage alimentaire. Adoptez les bons réflexes à la maison sur planregal.be. Une initiative de la Wallonie. Avec Voltis, j'assure le confort et la sécurité de toute ma famille. Voltis, des conseils éclairés, des idées lumineuses. Du jeudi 13 au dimanche 16 octobre, portes ouvertes de folie à Louvain-la-Neuve. 20% de remise sur tout. Oui, vous avez bien entendu. Sur tout pendant ces 4 jours complètement fous. Voltis, à Louvain-la-Neuve, National 4. Voltis, c'est vous qui voyez. Découvrez nos offres complètement folles sur www.voltis.be. Expert Literi, l'artisan de vos nuits. Les plus grandes marques, Beka, Latoflex. Expert Literi, conseil, service et qualité depuis 25 ans. Expert Literi à Wavre, La Hulpe, Wautier-Bren, Jonblou et sur expertliterie.be. En octobre, Expert Literi vous offre 16% de remise et donc 16% de confort en plus. Le concert 100% Sounds for Research en faveur de la recherche contre la leucémie. Avec Puggy, Les Innocents, Cocoon, La Grande Sophie, Musti, Soul, Nicolas Testa, Hollywood Porn Stars et d'autres surprises. Le 27 octobre à la Madeleine à Bruxelles, en présence de Virginie Efira et François Damiens. Info et tickets, concert100%.be. Avec Viva Bruxelles. TV. extrait de l'album I Can Dance sorti en 1992. C'était Phil Collins avec Genesis. Et cette grosse moquerie de tous ces pasteurs qui font de la télé, là, tu vois, aux États-Unis. Jesus, He Knows Me, c'était le titre. Pas des pigeons. Il est l'heure de revenir sur les cas résolus de la semaine en compagnie d'Annie. On a aidé plein de gens, dont Lise, qui était baptisée Lucie pendant quelques minutes. Mais Lise, mercredi, nous a parlé de son vieux poil. Enfin, au départ, il n'était pas censé être vieux puisqu'elle l'a acheté sur le site Unigro. Mais le modèle est tellement ancien qu'il est impossible à installer. Elle a demandé à Unigro de le reprendre et de la rembourser, mais ça dure depuis des mois. Alors Annie est intervenue, elle nous a annoncé une bonne nouvelle, on écoute. Alors Lise, rassurez-vous, on vient bien vendredi, ce vendredi, entre 8h et 10h du matin. Vous devez absolument être debout, prête à l'action dès 8h, parce que la camionnette part de Sainte-Nicolas. Il n'y a qu'un arrêt avant d'aller chez vous, donc le chauffeur sera très très tôt chez vous. Donc on confirme entre 8 et 10 heures. Alors le remboursement se fera sur votre compte bancaire. Et ils attendent d'avoir évidemment le retour du poêle en mazout pour voir si c'est en bon état ou pas. Et ils vous rembourseront. Mon Dieu. Voilà, ils vous rembourseront la semaine prochaine. Et vous savez quoi? On a téléphoné à Alice ce matin. La camionnette était là à 8h01 pour retirer le voile. Comme quoi, une affaire. Et on la recontactera sans doute la semaine prochaine pour voir si elle a bien reçu les sous sur son compte. Ah oui, compte ça, c'est aussi. Parce que il y avait deux étapes. Oui, le poil, il est parti. Il faut voir si l'argent est récupéré. Hier, c'est Françoise qui nous a raconté sa mésaventure après un achat chez Desigua, l'achat fait sur Internet. Elle a reçu dans le colis les vêtements destinés à son petit-fils de 11 ans. Jusque-là, ça va. Mais en plus, il y avait un livret représentant certaines scènes du Kama Sutra. Une découverte un petit peu particulière, mais la marque espagnole a envoyé un mail à Annie pour s'expliquer. Dans le cas de la nouvelle collection d'énigmes, la compagnie a décidé d'insérer quelques exemplaires du Kama Sutra dans une sélection de commandes réalisée donc sur le site et où seulement les clients majeurs ont droit à réaliser les commandes. D'accord, ok. Ça veut dire qu'il y a eu manifestement une erreur et on le reconnaît, une erreur d'aiguillage. Ça s'est retrouvé dans le paquet de vos petits-enfants. Voilà. Ils en prennent note, ils disent que ça n'arrivera plus et ils vous remercient d'avoir l'opportunité de s'expliquer et d'être au courant de l'incident parce qu'effectivement, si on ne signale pas les incidents en marque. Eux ne le savent pas non plus. Eux ne le savent pas non plus. Annie qui a gardé le livret avec le Kama Sutra, évidemment. On va revenir aussi sur le cas de Daniel de Blaton qui n'arrivait pas à avoir une connexion internet chez Scarlett. Aurore. Oui, et le porte-parole de Proximus, donc qui prête son réseau à Scarlett, nous avait dit à l'époque que des travaux devaient être effectués sur les installations. Le 13 octobre, c'était hier. Eh bien, Daniel nous confirme que les ouvriers sont bien venus hier faire les travaux, mais le souci, c'est qu'il fallait encore attendre 8 jours. Le temps que le rapport de l'ouvrier soit transmis au bureau, qu'il puisse refaire la connexion, etc. Sauf que, ce matin, elle envoyait un SMS à Annie qui me l'a transféré pour dire qu'elle avait réussi à se connecter sur Internet. Il y a juste un truc qui ne fonctionne pas encore, c'est le téléphone fixe, mais ça c'est pour dans 8 jours sans doute. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire de plus que sinon, il n'y a pas possibilité de résoudre vos cas tout le temps non plus. On essaye, ce n'est pas facile, mais ce n'est pas évident. Catherine, par exemple, elle avait un problème de toiture et ça, c'est toujours pas réglé. Mais oui, elle attendait l'ardoisier pour la fin des travaux entamés il y a quand même 3 ans. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais l'entrepreneur, on l'avait eu en ligne et il était à la chasse avec des amis. Il s'était engagé à aller chez elle. Il devait passer soit lundi, soit mardi. Mais Catherine nous envoyait un mail mercredi pour dire qu'il n'était pas encore passé et qu'elle allait le recontacter. Voilà, il y a des professions sérieuses, il y en a qui le sont moins. Si vous avez des soucis avec un entrepreneur, avec un service après vente ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à résumer votre petite histoire, on pourra peut-être vous donner un coup de pouce. Oui, si vous nous envoyez un mail à l'adresse pigeon@rtbf.be, vous pouvez aussi raconter ça brièvement sur notre répondeur 070 222 660. Et puis il y a notre page Facebook, on n'est pas des pigeons, et on rappelle qu'on attend aussi votre coup de cœur puisqu'on est vendredi. Et dans quelques minutes, après les titres de l'info, il y aura le tip-top des infos concons et des infos soso. Quand en ville le grain se lève, vent de nerf agité, que se ternissent les rêves dans ma réalité. Je veux des balades sur la grève, oh, un peu d'humanité, un moins de béton, plus de trêve. Une vie de qualité, un moins de béton, plus de rêve dans ma réalité. Que neige. une planche de salut, loin du métro, de son raffut, les yeux rivés sur le rivage, oubliez ton lointain visage que neige. Une planche de salut, loin du métro, de son raffut, les yeux rivés sur le rivage, oubliez ton lointain visage. Je veux des larmes qui ne coupent pas, et moins de peine en 4x3, un bonheur simple mais à mon goût. C'est un peu vrai mais ça fait tout. Je veux plus de houle dans mon écume et moins de foule dans mon bitume. Ces petites choses qui n'ont au clair de sens qu'une fois qu'on les perd. Ces petites choses qui n'ont au clair de sens qu'une fois qu'on les perd. Que neige, une planche de salut, loin du métro, de son raffut, les yeux rivés sur le rivage, oubliez ton lointain visage. Que neige, une planche de salut, loin du métro, de son raffut, les yeux rivés sur le rivage, oubliez ton lointain visage. Oh. Que neige alors, une planche de salut pour chevaucher mon vague à l'âme. Bel océan brise pour sécher le sel de mes larmes. Frérot de la Vega avec ton visage. Je vous le disais, je vous le promettais. Vous vouliez les titres de l'info, ils arrivent dans 2 minutes 45. Samedi, de 14h à 16h, Vivacité vous emmène visiter le monde. Cette semaine, la Grande Évasion vous emmène à Barcelone. Avec ses merveilles architecturales, ses vieux quartiers, ses tapas et son soleil perpétuel. Nous vous offrons un séjour à l'hôtel Racol del Pi, qui présente un point de départ idéal pour visiter la ville. Vous êtes déjà allé à Barcelone? Racontez-nous vos aventures sur la page Facebook de l'émission. La Grande Évasion, avec Philippe Jauniaux et Audrey. En octobre, au Bon Repos, comblez toutes vos envies. Alors, vous êtes plutôt du style lève-tôt, grasse mat, sieste, dans un lit bien douillet, un canapé-lit ou un relax, dans des draps soyeux sous une bonne couette, le tout rangé dans un beau dressing. Profitez maintenant de 18% de remise au Bon Repos. 18% pour combler toutes vos envies et créer votre propre style. Aubonrepos.be, place de la Chapelle à Bruxelles, à deux pas du Sablon. Parking privé. Ouvert ce dimanche de 10h30 à 17h30. Vive à Bruxelles. En toute complicité. Sur 99.3 FM. Vivacité présente. Attends, qu'est-ce que tu fais là? Tu jettes les feuilles des carottes? Non mais ça va pas. C'est parce que je pensais... Allez hop, passe-les-moi. Je vais en faire une soupe de dingue. Tu vas voir. Envie de plus de good food au quotidien? Rendez-vous les 22 et 23 octobre pour une foule de découvertes gourmandes sur www.goodfood.brussels. Bruxelles Environnement. Votre attention, s'il vous plaît. Voici un avis important pour tous les amis. Avez-vous un ami ou une amie qui a besoin d'un espace supplémentaire? Un endroit reposant ou un petit air d'été tout au long de l'année? Donnez à vos amis le tuyau en or, celui de demander conseil au Véranda Willems. Et vous aurez peut-être la chance de gagner un safari plein d'aventures. Ou une croisière exclusive. Découvrez notre action grandiose et participez via toutlemondewillems.be. Willems, maître constructeur en Véranda. Chérie, en 10 lettres, expérience mode unique à proximité. En 10 lettres? Facile, Poincaré. Les meilleures marques sélectionnées pour nous. Un service personnalisé et le meilleur rapport qualité-prix. Bon, et ben allons vivre une expérience unique chez Poincaré. Plus d'infos sur poincaré.eu. Pendant les Audi Days, vous allez être surpris. Surpris par les conditions exceptionnelles sur l'Audi A1. Surpris par son tempérament et son agilité en ville. Et surpris par la technologie unique PJR, qui signifie « Pince-moi, je rêve ». Pendant les Audi Days, profitez des conditions sur toute la gamme jusqu'au 22 octobre. Comme l'Audi A1 Limited Edition à partir de 13 990 euros ou 129 euros par mois en personal lease. Infos et conditions sur Audi.be et chez votre distributeur Audi. Il est midi 30. Les titres de l'info avec Manu Delporte. Bonjour Manu. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Non, 3. trois fois non, la Wallonie ne veut pas du CETA. Les agriculteurs l'ont rappelé ce matin, ils ne veulent pas entendre parler des accords commerciaux type CETA ou TTIP. Ils l'ont dit aux députés wallons, ils prêchent en fait des convaincus puisque les députés en majorité n'y sont pas favorables non plus. Et le ministre-président Paul Magnette vient tout juste de le dire à la tribune, la Wallonie ne signera pas cet accord que le gouvernement fédéral, lui, aurait bien voulu ratifier. Un arrêt de travail chez FN en ce moment à Herstal. Les travailleurs se plaignent de ne pas travailler assez à la FN. L'usine liégeoise ne tourne pas à plein rendement. En revanche, la production est de plus en plus souvent externalisée sur les sites américains. Ils ont donc décidé, les travailleurs liégeois, de débrayer ce matin. 18 ans de prison pour le violeur le vitrioleur du Deleuze d'Anvers. L'homme en voulait à l'enseigne commerciale. Il a jeté de l'acide sur une femme de ménage du magasin. C'était en février 2015. Le tribunal correctionnel de Bruxelles vient donc de le condamner à 17 ans de prison. Dans l'info aussi à 13h, le prix d'un ticket de cinéma, toujours plus cher. Les tarifs ont augmenté de 30% en 10 ans. Alors dans certaines salles, pour certains films, vous payez jusqu'à 11 euros l'entrée. Mais vous avez des trucs et des astuces pour limiter la casse et on les partage. Parce qu'on est comme ça à la rédac, on partage. Et ce sera dans le journal de 13h. C'est beau ce que vous faites à la rédac, oui, Manu. Beau, hein, à beau. Tout à l'heure, 13h. Vivacité. On n'est pas des pigeons. As the day will come to shore and wash me up at your front door. Never knew you'd take me back. Now it seems if all too clear. Funny how this works, my dear. Only dawn could bring me back. No, no, no, no, no, no. Now's the time to understand. No, no, no, no, no, no. And now I see how we could. Cité avec le titre Soul. Tip Top. Le Tip Top que tout le monde attend. Ah, c'est pas le classement des meilleures musiques. Non, non, non. Ici, c'est le classement de tout ce qui se fait de bien en matière de consommation sur Internet. Ou tout ce qui se fait de pire, j'en sais rien. Surtout de pire. Mais en tout cas, ça parle de conso, ça parle d'argent. Et on commence tout de suite ce classement avec le numéro 5. Numéro 5. Quels sont vos trucs, vous, pour combattre le stress, évacuer le stress? Après une journée de boulot, vous faites quoi? Mais on l'a dit la semaine dernière, moi je tricote. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Aurore, Esteban. Prendre un bon bain. Ou faire du sport. Moi, rien, je suis jamais stressée. Sinon, si vous avez un peu de pognon, vous prenez un avion, vous allez à Vilnius en Lituanie. Là-bas, il y a un bar qui a inauguré la Discharge Room. Comme on prononce bien. Qu'est-ce qu'on fait là? Eh bien, décharge. Tu mets un casque sur ta tête et tu détruis tous les objets récupérés des entreprises qui ont déposé le bilan ou qui changent de mobilier. C'est-à-dire que tu as une grande pièce, tu mets un casque pour pas te blesser et tu vas péter des assiettes. Une batte de baseball? Non, oui, il y a une batte de baseball, tu fais ce que tu veux, mais tu casses du mobilier, tu casses de la vaisselle. Et c'est pas mal, vous faites de tort après ça. C'est très fréquent ça au Japon, ils font déjà ça beaucoup. Ça te décharge de plein de trucs. Pourquoi pas? Fais ça là-bas, chez toi, ça risque d'être mal vu et ça risque de coûter cher aussi. Mais c'est une idée comme une autre. Numéro 4. Si vous suivez l'actualité People, si vous avez été chez le coiffeur régulièrement, vous êtes tombé forcément sur un magazine qui vous parlait de la récente agression de Kim Kardashian à Paris. Agression à main armée quand même. Eh bien, il y a une société de déguisement aux États-Unis qui a décidé de manière un peu douteuse de surfer sur cette vague. Pour être précis, Kim Kardashian, elle a quand même été ligotée, détroussée dans son appartement. Donc, ils ont décidé de vendre le kit de Kim Victim. Il y a une robe de chambre, une robe de chambre sexy, une longue perruque noire, une bague à 4 millions, entre gros guillemets, une paire de lunettes de soleil, un baillon et une petite corde, le tout pour 63 euros. C'est particulier. Hyper pâle. Ouais, mais non. Je crois qu'ils ont décidé de retirer finalement. Ouais, ça a eu pas mal de réactions négatives. Beaucoup de réactions. Mais en même temps, sur le site, ils disaient on estime que la star a dédié sa vie à faire l'apologie de la décadence américaine et de l'hédonisme. Pourquoi ne pas s'en amuser? Oui, c'est une manière de voir les choses. Mais je crois que les critiques négatives ont été effectivement très virulentes. Mais ma foi, on peut rire de tout. Voilà. Mais pas avec n'importe qui. Numéro 3. Il y en a dans toutes les rues. À un moment, il y en a dans toutes les rues. Tu vois la photo du chat qui a disparu? Oui. Retrouver Pépette, Misty Gris ou des trucs comme ça. Eh bien, nous avons la version originale du chat disparu. On la doit à une jeune bordelaise qui a eu l'idée de coller des affiches sur les pylônes de sa ville pour retrouver le propriétaire du chat. Sauf qu'elle se met en scène. Elle a une cagoule de kidnappeuse. Elle a le chat en main. Et je vous traduis le texte. « J'ai retrouvé ton chat, il est à moi, je l'aime. » Et puis après, en tout petit, tu as les informations quand même pour la contacter si effectivement c'est ton chat. Mais c'est une manière originale de revoir un peu la vie de disparition du chat. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup, même. Numéro 2. Vous êtes des amateurs de chewing-gum autour de la table? Non. Alors, le chewing-gum, il a plusieurs bienfaits, entre gros guillemets, rafraîchir la laine, hein, évite de craquer pour un snack, parce que tu mets quelque chose en bouche et ça t'évite de plucher ta main dans un paquet de chips, par exemple. Mais, selon une étude britannique relayée par le journal Metro, le chewing-gum, il y a des calories là-dedans aussi. À ton avis, un chewing-gum light... Comment vous dites chewing-gum, vous? Chewing-gum. Chewing-gum. Tu sors, si tu veux. Si tu veux, tu sors, tu bouges tes oreilles. 2 à 5 calories dans un chewing-gum light, à raison de 2 chics par jour, ça te fait entre 1300 et 3600 calories par an. Pour une chic normale... Ça peut aller jusqu'à 6700 calories par an, à raison toujours de 2 chics par jour. Maintenant, tu peux te dire que ça compense parce que mâcher du chewing gum permet d'éliminer 11 calories par heure. Ah bah ça vaut le coup, à raison de 4 heures de mâchouillage par jour, tu brûles 300 calories par jour. Bon, on va sortir nos calculettes. Non, ouais. Plus. Bon, faites quand même du sport, hein, parce que je vais perdre 300 calories aujourd'hui. Je vais juste... C'est un peu nul, mais comme quoi, faites gaffe parce qu'il y a des calories aussi là-dedans. Numéro 1. Et puis on termine avec le métier d'une jeune fille britannique, Hayley Perks. Hayley, voilà, c'est son prénom. Elle est scientifique, elle travaille pour une grande maison de chocolat britannique fondée en 1824. À votre avis, c'est quoi son job ? Elle goûte des chocolats ? Ouais, elle goûte des chocolats, effectivement, ça se passe à Birmingham. Mais alors, de peur d'abîmer ses dents, elle n'a pas le droit de manger n'importe quoi. La société compte vraiment sur elle pour... En fait, c'est comme une testeuse de vin. En mangeant un chocolat, elle n'a pas besoin d'étiquette. Elle sait te dire ce qu'il y a dedans. Wow. Ok. Donc, on lui dit de ne pas manger n'importe quoi. Ce n'est pas pour une question de santé. C'est l'obligation professionnelle qui fait ça. Et là où ça va très loin, son employeur a même assuré sa langue pour 1 200 000 euros. Ouais, c'est étonnant, quoi. Et elle dit, je ne peux pas imaginer un autre boulot. Manger du chocolat tous les jours me rend folle. 28 ans, payé pour manger du chocolat et avoir ta langue assurée pour 1 200 000 euros. Ouais, moi j'aurais peur. Je suis son mec, j'aurais peur de lui rouler un patin. Hein. Franchement, je ne sais pas, mais tu fais gaffe parce que c'est quand même son gagne-pain. Voilà donc pour les infos concon et les infos sociaux glanées ci et là sur Internet et dans la presse cette semaine. On va plonger dans la page Facebook dans quelques minutes parce qu'on vous parle d'anti-gaspillage. On vous demande vos trucs et astuces. Ça arrive juste après Marc Lavoine. Maintenant chez Ici par Excel, ce sont les offres Perfect Mood, des parfums apéron qui mettent tout de suite de bonne humeur. Venez vite les sentir ou commandez sur iciparxl.be. Hip hip hip, c'est moi! Vous allez être émerveillés par les offres de génie dans tous les rayons de votre hypermarché Carrefour. Jusqu'à demain, à l'achat d'un persil lessive liquide 36 doses au choix, recevez, bam, le deuxième gratuit! C'est du jamais vu! Dépêchez-vous d'en profiter avant qu'il n'y en ait plus! Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. La Ford Fiesta a 40 ans. Rendons-lui hommage comme si on était en 76. Salut, amis. Bienvenue dans la Ford Fiesta 40 Years Edition. Elle est généreuse et partage avec toi ses connexions Bluetooth et Sync. Reste cool grâce à la clim. Love, Ford Fiesta. Découvrez la Fiesta 40 Years Edition à partir de 10 390 euros chez votre distributeur Ford et profitez en plus d'un financement exceptionnel. Ford, go further. Offre soumise à condition. Attention, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent. Plus d'infos sur Ford.be. Saviez-vous qu'un tram de la STIB, c'est 40 tonnes d'acier et une très longue distance de freinage? Alors, si vous traversez sans regarder, vous risquez de vous prendre dans la figure l'équivalent de 20 rhinocéros lancés à toute vitesse! Et ça peut faire très mal. Soyez donc toujours très vigilants. Le tram a toujours priorité. Un message de la STIB. Trump ou Hillary? Ce samedi, avec votre journal Le Soir, c'est certain, ce sera une bûche. Le Soir et la brasserie du Buisson vous invitent à suivre la course à la Maison-Blanche tout en dégustant une savoureuse bière bûche. Ce samedi, ne manquez pas votre bouteille de bière gratuite dans toutes les librairies avec votre journal. Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse. Imaginez-vous vivre dans une maison Étienne Piron. Laissez-vous guider et découvrez notre savoir-faire unique. Le week-end des 15 et 16 octobre, de 11 à 18 heures, vieux chemin de Grupon à Bure. Étienne Piron, symbole de qualité. Une concession automobile qui offre 3 ans de garantie et lave gratuitement votre voiture? Non, vous ne rêvez pas. Chez Land Rover Drogenboss, à l'achat d'une Land Rover de stock, vous recevez 3 ans de garantie, plus 3 ans de garouage gratuit. Découvrez notre vaste assortiment de modèles en stock chez Land Rover Drogenboss. Offre valable également chez Land Rover Brussels à Zaventem et Waterloo. J'ai beau chercher même si parfois on fait semblant d'y croire, autant le vivre même un peu. Et même si on garde nos manteaux, même si la fin arrive un peu trop tôt, j'aurais vécu d'avoir voulu ta peau. On aura aimé pour de bon. Non duo avec Claire Keim et le titre Je ne veux qu'elle. Sur la page Facebook, on vous parle d'anti-gaspi parce que nous sommes au beau milieu des journées wallonnes contre le gaspillage alimentaire. On vous demandait vos trucs et astuces pour éviter le gaspillage. Il y a notamment Nancy qui nous dit comment vider son frigo sans gaspiller. Il vous reste des lardons, un vieil oignon décati mais encore bon, un reste de fromage à pâte dure style Emmental ou gruyère, vous avez encore un rouleau de pâte brisée, de la crème fraîche, ça fait beaucoup de reste quand même. Oui. Faites une bonne quiche Lorraine, vous avez trop de pommes de terre, eh bien vous les coupez en fines lamelles et vous faites un gratin. Comme. Vous les rissolez, vous faites une purée, vous utilisez les restes dans une tortilla. D'accord, voilà. Pourquoi donc pas. Ça, c'était les trucs de Nancy. Alors, Rita fait une petite réflexion. Je viens de revenir de vacances. C'est honteux de voir comment les gens se servent dans les buffets et puis ne mangent pas ce qu'ils se sont servis. Tout cela parce que la nourriture est comprise c'est dans le prix du voyage. C'est vrai que ça, c'est, je crois qu'on est tous interloqués quand on va dans un buffet, mais, dans un restaurant. All-in. Ouais. Et il y a beaucoup de personnes, effectivement, qui parlent de ce système all-in. Alors Madeleine nous dit « Chez moi, il y a rarement du gaspillage. Je connais la portion qu'on mange, j'en fais rarement plus. Et les dates de péremption, même si certaines sont dépassées, eh bien je consomme encore quand c'est nickel. » Alors Sabine, elle nous écrit « Regardez la prochaine fois, les gens qui achètent du frais dans les magasins, ils prennent les dates les plus éloignées. Si on achetait mieux, on jetterait moins. Je sais de quoi je parle, je travaille dans la grande distribution. » Alors Jean-Pierre nous donne un petit truc. Je pense qu'établir les menus pour une semaine, ça permet de n'acheter que le nécessaire, prévoir pour mieux maîtriser le contenu de son frigo. Ou alors si tu habites à côté d'une grande surface, tu vas tous les matins chercher juste ce qu'il te faut pour le soir, par exemple. Ou acheter en vrac aussi, parce qu'on a tendance à acheter sous vide et tout ça en plus trop grosse quantité. Encore une réaction à épingler ? Oui, hein, Elisabeth, c'est pas le petit consommateur qui fait la différence. Vous n'imaginez pas ce que l'on jette dans les commerces pour avoir de beaux rayons et du choix, car le client fait un scandale s'il n'a pas ce qu'il veut. Si sur 120 000 produits, il n'y a pas la sorte qu'il désire, et ce tous les jours, eh bien, il râle. On rappelle les chiffres que vous aviez donnés, Isabelle, tout à l'heure. Un wallon, c'est quoi ? C'est 23 kilos par an de nourriture par personne et par an. Et un tiers de la production mondiale sont jetés, soit l'équivalent de combien de milliards déjà ? 555. C'est moi qui donnais les questions, non, mais c'est pas énorme, vous. Hein. C'est énorme, tout ça pour dire que c'est énorme et il y a peut-être moyen à votre échelle, de changer les choses.

Nos entrepreneurs Spar ont toujours de belles offres pour leurs clients. Jusqu'au 2 novembre chez Spar, vous profitez ainsi de 25% de réduction sur 25-20. Infos et conditions en magasin. Spar Colruyt Group, toujours avantageux. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. On n'est pas des pigeons. On termine la semaine, on termine l'émission avec non pas un coup de gueule, mais un coup de cœur. Nous sommes vendredi. Oui. C'est Marie-Claude qui est contente, elle est ravie, elle aime la vie. Elle chante la vie. Elle est aux anges. Hier, on parlait de seconde main et elle nous demande de parler aussi des vestiboutiques de la Croix-Rouge qui, contrairement à ce que l'on pense souvent, sont ouvertes à tous. Je vous écris de la région de Thouin où nous avons deux vestiboutiques qui offrent des vêtements hommes, dames, enfants, des chaussures, du linge de maison, des jouets, des livres, de la vaisselle, de la petite décoration. Et c'est Marie-Claude qui est, tiens, secrétaire de la maison des Croix-Rouges du Val-d'Aune à Thouin. Voilà. D'accord. Thouin, voilà du boudin. Voilà du boudin. Si vous avez des trucs aussi intelligents à nous dire, abstenez-vous. Par contre, pour tous aussi, les bons plans, les astuces, n'hésitez pas, c'est sur la page Facebook que ça se passe pendant le week-end. Oui, vous pouvez aussi laisser tout ça sur le répondeur. Hein. 070 222 660, vous laissez bien un numéro de téléphone et vous expliquez brièvement de quoi il s'agit. Le dernier rendez-vous de la semaine avec toute l'équipe des Pigeons, c'est ce soir sur la Une Télé à partir de 18h30. La vie du bon côté, Thomas Lerides, bonjour. On parle de zéro mental avec vous. Oui, zéro mental, comme le titre du livre de notre invité cet après-midi, méditation, mental off, centrage, présence, on en parle jusque 15h. On va vous présenter cette thérapie inédite et rapide qui combine hypnose, pleine conscience et méditation. Zéro mental, c'est donc le nom de cette thérapie avec un nouveau concept à la clé qui offre des clés justement pour sortir de l'hypnose mentale quotidienne dans laquelle nous sommes à notre insu plongée. Alors, il faut le savoir, on le dira cet après-midi, le mental, c'est le plus grand hypnotiseur de tous les temps, on ne s'en rend pas forcément compte. Et le livre de notre invité Zéro Mental vous donnera des outils pratiques pour utiliser le mental conscient et inconscient. Il nous permettra ainsi de reprendre le contrôle de notre vie, de retrouver son moi véritable et de vivre pleinement dans le réel et dans le présent. Ce qui fait aussi la spécificité et l'intérêt de Zéro Mental, vous l'entendrez, c'est sa capacité à être synthétique et d'aller à l'essentiel grâce à des techniques particulièrement simples. Le Zéro Mental qui ne propose pas de tuer à tout prix le mental, mais plutôt de découvrir ce qui sous-tend et prédomine notre mental. Alors vous qui serez avec nous tout à l'heure, si vous vous faites souvent des films sur votre futur, si vous envisagez toujours, malgré vous, les pires scénarios, si vous pensez trop, beaucoup trop, venez nous en parler cet après-midi et nous dire, entre autres, en quoi tout cela vous handicape et surtout ce que vous aimeriez changer. Vous en parlerez avec l'auteur du livre Zéro Mental, Frédéric Vincent. Il est spécialiste du changement rapide. Il rassemble aujourd'hui pour la première fois les aspects les plus avancés de l'hypnose thérapeutique PNL et de la méditation profonde au sein d'un système pédagogique complet. Ça peut paraître compliqué, en fait, c'est simple, on en parlera tout à l'heure, des techniques qui ont déjà été expérimentées et approuvées par des milliers de personnes en Europe. Pour intervenir cet après-midi, le téléphone 070 23 33 23, le SMS 30 63 50 centimes et il y a aussi la page Facebook de La Vie du Bon Côté pour réagir dès maintenant. L'émission démarre juste après le journal de 13h et à la météo. Attendez-moi. Oh, il est mou celui-là. Mais arrête d'être piquant, toi. C'est une crème. T'es gentil. Plus de 500 fromages de chez nous, à chacun son caractère. Une initiative de l'APACW. Bonne journée à tous. Les nuages bas et la grisaille ont du mal à se dissiper et on espère quand même quelques éclaircies. Dans le courant de l'après-midi, le temps devrait rester sec. On attend de 10 à 15 degrés, mais ce soir, une zone de pluie va atteindre nos régions. Elle va donner quand même quelques bonnes pluies la nuit prochaine. Et demain matin, les dernières fines pluies nous quitteront en matinée. L'après-midi, on reverra quelques timides éclaircies. Les températures 15 à 18 degrés, le vent passe au sud. Et cela va nous conforter dans l'idée d'un dimanche plutôt agréable. Vent de sud, belles éclaircies et maxima très doux pour la saison, compris entre 14 et 19, voire localement 20 degrés possible. Vous écoutez Vivacité, il est 13h. Non au CETA, la Wallonie ne ratifiera pas les accords internationaux entre le Canada et l'Europe. Paul Magnette l'a martelé ce matin en séance plénière au Parlement wallon. Arrêt de travail à la FN à Herstal, les travailleurs se plaignent de ne pas assez travailler. Trop de productions sont faites aux États-Unis. Le ticket de cinéma, toujours plus cher, les tarifs ont augmenté de 30% en 10 ans. Quelle solution pour se faire une toile à moindre frais? Réponse en fin de journal. Votre édition de 13h présentée par Manu Delporte cet après-midi. Bonjour Manu. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Non au CETA. CETA, c'est le traité de libre-échange négocié entre le Canada et l'Europe. Un accord économique et commercial qui fait peur aux agriculteurs, peur aux députés. Ce matin, Paul Magnette,